un père et un fils. Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane ? M. de Rênal était absorbé dans ce doute lorsqu'il vit de loin un paysan, homme de près de 6 pieds, qui, dès le premier jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du Doubs sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher M. le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que M. de Rênal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins avec cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. L'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que M. de Rênal lui offrait le gage inespéré de 300 francs par an, avec la nourriture et même l'habillement. Cette dernière prétention, que le père Sorel avait eu le génie de mettre en avant subitement, avait été accordée de même par M. de Rênal. Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n'est pas ravi et comblé de ma proposition, comme naturellement il devrait l'être, il est clair, se dit-il, qu'on lui a fait des offres d'un autre côté. Et de qui peuvent-elles venir, si ce n'est du Valneau ? Ce fut en vain que M. de Rênal pressa Sorel de conclure sur le champ. L'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement. Il voulait, disait-il, consulter son fils, comme si en province un père riche consultait un fils qui n'a rien autrement que pour la forme. En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants qui, armés de lourdes haches, équarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper à côté de la scie. Il l'aperçut à 5 ou 6 pieds plus haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés, mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Ce fut en vain qu'il appela Julien 2 ou 3 fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup aussi violent, donné sur la tête en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à 12 ou 15 pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qu'il l'eût brisé, mais son père le retint de la main gauche comme il tombait. Julien, quoiqu'étourdi par la force du coup et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. « Descends, animal, que je te parle !»« Dieu sait ce qu'il va me faire !» se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin. De grands yeux noirs, qui dans les moments tranquilles annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient un petit front et dans les moments de colère un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. n'y avait pas un an que sa jolie figure commençait à lui donner quelque voix amie parmi les jeunes filles. Méprisé de tout le monde comme un être faible, Julien avait adoré ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire au sujet des platanes. Ce chirurgien payait quelquefois au père Sorel la journée de son fils et lui enseignait le latin et l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il savait d'histoire, la campagne de 1796 en Italie. En mourant, il lui avait légué sa croix de la Légion d'honneur. À peine entré dans la maison, Julien se sentit l'épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendait à quelque coup. « Réponds-moi sans mentir !» lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent en face des petits yeux gris et méchants du vieux charpentier qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme. «